Mais oui, voilà. En tout cas, la météo ne sera pas encore propice à des décolletés bien plongeants ces prochains jours, car on est toujours un petit peu en dessous des valeurs de saison. 16 à 20 degrés aujourd'hui. Bon, bah, c'est pas mal, mais on pourrait mieux faire avec ce matin encore quelques averses qui sont en approche sur le nord de la France et qui vont arriver par le Hainaut, qui vont assez vite traverser dans la matinée nos régions, mais ce ne sera sec que l'après-midi avec progressivement des éclaircies. La nuit prochaine, une faible zone de pluie traverse notre pays. Demain, enfin un temps sec avec quelques éclaircies, 17 à 21 degrés. Mais jeudi, vendredi, tout comme samedi, eh bien, les averses seront encore en embuscade. Actualité ce matin, ils ne seront pas 28 mais 27 plus 1. Premier sommet européen après le référendum britannique. Et les dirigeants européens demanderont au Royaume-Uni de notifier officiellement sa sortie de l'Union. Les Britanniques comptent prendre leur temps. De plus en plus de patients payent leurs soins de santé en plusieurs fois. Les demandes d'étalement de paiement se multiplient en tout cas dans les hôpitaux bruxellois. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a l'impression que le montant pour lequel on demande un plan d'apurement a diminué. Et cela concerne parfois des montants qui de moins de 20 euros. Les congés payés ont 80 ans cette année, juin 1936, une loi accordée à tout le monde 6 jours par an. En football, les Islandais ont battu les Anglais en 8e de finale, un exploit pour ce tout petit pays de 330 000 habitants. Côté anglais, la déception est énorme, bien entendu, le sélectionneur a démissionné. Puis vous entendrez David Goffin dans ce journal, David Goffin qui a bien débuté le tournoi de Wimbledon, et Goffin qui n'a plus peur de dire qu'il veut aller loin dans les tournois. Et c'est donc un sommet délicat qui s'ouvre cet après-midi à Bruxelles. Les 28 dirigeants européens se retrouvent pour la première fois depuis le référendum britannique. Oui, vendredi, les Britanniques ont voté pour la sortie de l'Union européenne. Alors comment gérer cette séparation? Hier soir, Angela Merkel a réuni le président français. Une réponse. Aujourd'hui, les dirigeants européens comptent bien envoyer un message au Royaume-Uni à de Blanpin. Le message à David Cameron sera clair, nous voulons que le Royaume-Uni notifie officiellement et rapidement sa volonté de quitter l'Union. La réponse de David Cameron est déjà connue, il l'a livrée en primeur aux députés britanniques. Le Royaume-Uni ne va rien notifier du tout pour le moment. Il faut, dit le Premier ministre démissionnaire, que le prochain Premier ministre et son gouvernement discutent d'abord de ce que le Royaume-Uni attend de l'Union dans le futur. Et David Cameron a lui aussi été clair, cette notification c'est une décision souveraine du Royaume-Uni, pas la peine pour les Européens de tenter de faire pression. De toute façon, ses partenaires n'ont aucun moyen légal de faire pression, mais les 27 devraient être fermes. Nous n'allons rien négocier avec vous, ni sur le divorce, ni sur les relations futures, tant que le Royaume-Uni ne bougera pas. Mais la pression politique, elle, existe. Ainsi, mercredi, les 27 se retrouveront pour une réunion informelle, sans David Cameron, pour évoquer cette future union à 27. Alors, il est trop tôt pour imaginer la moindre discussion sur le fond. Les 27 sont très divisés sur cette question et ils n'ont aucune envie de le montrer trop publiquement. Cette réunion à 27 servira plutôt à annoncer qu'ils veulent réformer l'union, sans entrer dans les détails. Elle servira aussi à montrer à David Cameron et aux Britanniques que l'union peut envisager la vie sans eux. Voilà, donc réunion à 28 aujourd'hui, demain à 27, sans le Royaume-Uni. Donc, il faut préparer l'après-Brexit et repenser le projet européen. C'est en tout cas le souhait de Charles Michel, le Premier ministre. Mon expérience depuis maintenant un peu moins de 2 ans, depuis que je siège au Conseil européen, c'est qu'on prend souvent de bonnes décisions, mais on n'arrive pas à les implémenter suffisamment vite. Mon expérience est aussi que ces dernières années, on a plus été confronté à des crises plutôt que d'utiliser du temps pour déployer un projet tourné vers l'avenir avec l'obsession de faire en sorte que nos citoyens puissent voir les effets positifs, les ressentir et se dire, ce projet européen, j'y crois. Et cette adhésion au projet européen, elle est importante à mon avis. Pour donner de la légitimité et faire réussir ce projet. De plus en plus de patients peinent à payer leurs factures d'hôpital. Oui, les soins sont assez accessibles grâce aux mutuelles, mais même ainsi, ils restent lourds pour une partie de la population. Exemple à Jette, en région bruxelloise, l'établissement a remarqué une augmentation récente, assez nette, du nombre d'étalements de paiement, et pas forcément pour de gros montants. Dans ce grand hall de l'UZ Bruxelles ont afflué l'an dernier 270 000 patients. patients. 1800 parmi eux ont dû étaler le paiement de leurs factures. C'est 600 de plus que l'année d'avant et l'hôpital s'en inquiète. Edgar Ekman, porte-parole. Ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a l'impression que le montant pour lequel on demande un plan d'apurement a diminué. On compte pour un certain nombre de personnes, pose déjà un problème. Il y a plus de personnes qui se disent « cette fois-ci, je ne peux pas payer maintenant et tout de suite ». L'hôpital invoque entre autres une pauvreté croissante à Bruxelles qui oblige les gens à étaler ou à reporter des paiements, voire carrément reporter la visite chez le médecin, ce qui peut alourdir les problèmes de santé. Un monsieur, un ouvrier qui travaille sur des toits, il disait qu'il ne pouvait pas se permettre financièrement de trouver une solution médicale sur ces problèmes d'équilibre. Une personne travaillant sur des toits avec un problème d'équilibre, c'est un problème sérieux. Ben, il demandait pas d'intervention médicale pour des raisons financières. L'hôpital Saint-Jean, les cliniques Saint-Luc constatent la même chose, une plus grande fréquence des plans d'apurement et pour de petits montants, parfois jusqu'à demander d'étaler une facture de 20 euros. Puis toujours concernant les hôpitaux qui sont inquiets, les produits anesthésiants se font rares sur le marché. Le géant pharmaceutique GSK a en fait pris du retard dans sa production. Conséquence, des opérations pourraient être reportées. Ce risque de pénurie concerne les pays européens. Alors Yasmina Favore, est-ce que la Belgique est concernée? Elle pourrait l'être, en tout cas, c'est la crainte de l'Association belge des anesthésistes. Elle a contacté ses membres et Maggie De Blocq, la ministre fédérale de la Santé, la semaine dernière pour les prévenir de ce risque. Un risque de pénurie qui pourrait durer jusqu'en 2017. Alors les produits qui pourraient manquer sont des dérivés d'opiacés, donc ils sont utilisés dans les anesthésies pour lutter contre la douleur. Des produits importants donc pour les opérations. On les trouve aussi bien dans les anesthésies locales que dans les générales. Alors si les anesthésistes s'inquiètent, pour les autorités, il ne faut pas paniquer pour l'instant. Oui, hein, l'Agence fédérale du médicament se veut rassurante. Écoutez à ce propos sa porte-parole Anne Côte. Les patients ne doivent pas s'inquiéter, tout le monde fait tout pour éviter qu'une réelle pénurie se présente. Il y a déjà des mesures correctrices chez la firme, donc là on voit si les lots de médicaments qui peuvent être libérés, oui ou non. Et pour le reste, il y a la commission consultative de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé qui peut traiter des dérogations pour importer des médicaments pas disponibles actuellement en Belgique. Et pour le reste, il y a déjà des mesures de précaution au sein des hôpitaux. Comme le report de certaines opérations non urgentes, une façon de préserver les stocks. Merci Yasmina Favaro, c'était une information à lire dans le journal Le Soir. Les étudiants ont fini les examens et beaucoup d'entre eux cherchent actuellement un job pour les vacances. Et une réforme lancée par Maggie De Blocq, la ministre fédérale des Affaires sociales, se profile. Elle devrait figurer au menu du gouvernement fédéral dans les prochains jours. En fait, le calcul des prestations de jobistes ne seront plus comptés en jours, mais en heures. Alors, quelles conséquences? Comment réagissent les étudiants et les employeurs? On voit cela avec Thierry Van Gulik. Aujourd'hui, les prestations d'un étudiant sont limitées à 50 jours par an. Toute journée entamée, compte travail d'un étudiant sont limitées à 50 jours par an. Toute journée entamée, compte travail la recherche d'une journée de 8 heures. Les étudiants qui sont divisés sur la question. Je pense que c'est mal parce qu'en fait, pour l'instant, ceux qui font une mission de 2 heures, par exemple, ça compte un jour entier. Alors qu'avec les heures, en fait, ceux qui auront déjà un job vont avoir un job plus longtemps et donc il y aura moins de place pour les autres, quoi. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée parce que quand c'est en heure, on peut travailler deux jobs dans la même journée. La FEF, la Fédération des étudiants francophones, dénonce une volonté d'exploiter plus encore les étudiants et demande au contraire un renforcement de la législation et des contrôles. Quoi qu'il en soit, la réforme tarde à sortir. Pour les jobistes qui commenceront dans quelques jours, ce sera trop tard. Et dans quelques jours, justement, ce sont les grandes vacances. À propos des congés payés, saviez-vous qu'ils n'ont pas toujours existé? Eh oui, ces congés payés ont 80 ans. C'était en 1936 en Belgique comme en France. Le droit de se reposer de son travail était inscrit dans la loi. Juillet 1936, premières vacances donc. La RTBF envoie Théo Fleischmann et Louis-Philippe Kamans en reportage à Ostende. Juillet 1936, petit retour en arrière. Fleischmann et Louis-Philippe Kamans en reportage à Ostende. Juillet 1936, petit retour en arrière. Car au soleil. Ah, mais il y a un orchestre. Ah, ben alors nous allons être gratifiés d'un concert. Ah, le concert apéritif traditionnel. Voilà, ça fait donc maintenant 80 ans que beaucoup de familles vivent au rythme des vacances annuelles. Alors, comment les congés payés ont-ils été inscrits dans la loi ? Pierre Magos nous le rappelle. Bien sûr, les congés existaient déjà avant 1936, dès le Moyen-Âge pour les fêtes religieuses ou les marchés, et à partir des années 20 pour certaines catégories de travailleurs, mais c'est la loi adoptée à l'unanimité en juin 1936 sous le gouvernement tripartite de Paul Van Zeeland qui fixe à 6 jours par an pour tout le monde, ou presque, ce droit au repos. Apparaît aussi immédiatement le pécule de vacances, qui offre à certains les moyens de voyager, ou simplement de boucler leur fin de mois. Mais c'est aussi la naissance du tourisme social. Pierre Tilly est historien. Au départ, c'est intéressant de constater que tant du côté du mouvement ouvrier, que du côté de l'Église, que du côté des employeurs, il y a des discours très, très moralisateurs pour dire, mais qu'est-ce que ces ouvriers vont faire durant leur congé ? Donc il faut les encadrer, il faut créer un tourisme social. Après, évidemment, dans les années 60, 70, avec le développement de la société de consommation, les vacances vont s'individualiser. Ça a monté aussi de l'individualisme. Donc, chacun va choisir sa destination, non pas pour se retrouver dans un collectif, mais en fonction d'intérêts plus individuels. Et désormais, même si les vacances restent... La destination, non pas pour se retrouver dans un collectif, mais en fonction d'intérêts plus individuels. Et désormais, même si les vacances restent possibles et imaginables, tourisme d'un jour grâce à l'industrie des loisirs, ou au contraire, voyage lointain depuis l'arrivée du low cost, vacances fractionnées toute l'année aussi, etc. Toutes sont les héritières des 6 petits jours de congés payés accordés en 36. Il est 8h11, le 8-9 sport avec l'Euro de foot qui tient sa belle histoire, c'est celle d'un petit poussé islandais qui se qualifie pour les quarts de finale. En éliminant la Grande-Angleterre 2-1 et cette histoire au pays des geysers et de volcans, c'est un certain Gumundur Benediktsson qui nous la raconte. Le commentateur islandais est devenu littéralement fou en commentant le deuxième but de son équipe. François Zaleski, c'est même toute une nation qui vibre avec ses footballeurs. Oui, s'ils continuent comme ça, ils vont réveiller les nombreux volcans qu'il y a en Islande. Hier, à Nisqoma Reykjavik, ils ont en tout cas laissé exploser leur joie les supporters islandais. Ce sont pourtant les Anglais qui avaient ouvert la marque sur pénalty par Wayne Rooney, mais il n'a fallu que 2 minutes à Sigurdsson pour égaliser. 10 minutes plus tard, le but de la victoire était déjà inscrit par Sigurdsson. Et voilà comment l'Islande se retrouve en quart de finale de l'Euro contre la France. L'histoire avait commencé en qualification, où les Islandais avaient terminé quand même devant la Turquie et surtout les Pays-Bas. Elle s'est poursuivie avec des partages contre le Portugal et la Hongrie, et puis ces 2 victoires contre l'Autriche et surtout l'Angleterre, des Anglais humiliés qui quittent donc aussi l'Europe du foot. Un véritable naufrage qui a poussé le sélectionneur Roy Hodgson à quitter le navire. Quand je suis arrivé, on m'a dit que les joueurs ne se battaient pas pour défendre les couleurs de leur pays ou qu'ils déclaraient forfait à la dernière minute. Moi, je n'ai rien vu de tout cela. Ces joueurs adorent jouer pour leur pays et on ne peut pas remettre leur implication en question. Ces 4 ans ont été fabuleux, je m'en souviendrai toujours avec fierté. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça et qu'on sorte du tournoi, mais ces choses arrivent et tout ce que je peux faire, c'est souhaiter le meilleur pour le futur. J'espère qu'on pourra voir rapidement une équipe d'Angleterre en finale d'un grand tournoi majeur. Merci beaucoup. Thank you very much. Roy Hodgson, traduit par Lise Burion. Alors, cet exploit des Islandais marque aussi la fin des 8e de finale. On connaît donc toutes les affiches des quarts de finale. Effectivement, ça commencera jeudi avec Pologne-Portugal. Vendredi, on le sait évidemment, la Belgique défiera le Pays de Galles. Vendredi, c'est jour de repos. Et puis samedi, Allemagne-Italie. Et donc dimanche, cette fameuse Islande contre la France. Merci François Zaleski. En tennis, début réussi pour David Goffin à Wimbledon. Le Liégeois a facilement battu le Britannique Alexander Ward sur un 6-2, 6-3, 6-2, et désormais avec son nouveau statut, David Goffin n'a plus peur de dire qu'il veut aller loin dans la compétition. Quand on est 11e mondial, on a toujours envie d'aller toujours un peu plus loin, essayer d'aller le plus haut possible. C'est dur de dire quel classement on sera, ou il y aura certainement encore des moments durs dans ma carrière, ou des moments où forcément de joie, j'espère, mais en tout cas, j'essaye vraiment de me concentrer sur moi-même, sur comment progresser, que ce soit physiquement, comment progresser tennistiquement, mon tennis à chaque entraînement, et j'essaye d'aller le plus haut possible. Je sais que j'ai encore plusieurs années devant moi pour faire de belles choses, et en tout cas, je ne sais pas jusqu'où je vais aller. On va essayer d'aller le plus haut possible, et puis fin de ma carrière, on verra. En tout cas, j'essaie j'essaye de jamais avoir de regrets et de développer mon potentiel au maximum. David Goffin qui répondait à notre envoyé spécial Christine Anquet. Au prochain tour, il affrontera le français Édouard Roger Vasselin. Kirsten Flipkens, pardon, elle défiera l'américaine Madison Keys. Yanina Wickmeyer, en revanche, était éliminée par la tchèque Plitzkova. Ruben Bemelman s'est lui aussi incliné face au brésilien Bellucci. Aujourd'hui, c'est Alison Van Oudvank qui entre en lice contre la britannique Tara Moore. Il suffit, soyez de bons citoyens, jolis compagnons, Ode à Eden Hazard, et ce sera comme ça jusqu'à vendredi, peu importe. Ode à Eden Hazard. Tu vas faire quoi, chanter, dire Ode à Eden Hazard? Non. Ah ben c'est ça qui va le booster. Mais quoi, c'est bien, il a bien joué. On est fiers de lui, c'était l'homme du match. On est en demi. Non, là il est en train de s'entraîner, donc Sarah. Bravo Eden. Ouais, ok, ouais, Jérôme. Ode. Eden. Okay. Moi je veux bien lui faire un petit massage sur les cuisses. Et... voilà. Non mais il vous dit cette. Allez. Ah où ça? Enfin, non mais pour les chauffer. Ah, il dit oui. Quoi. Il dit oui. Je crois qu'il s'emballe les cuisses. J'avais peur qu'il dise non mais. Oh. 8h16, voici un nouveau 8-9. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Le point route à cette heure-ci, ça coince évidemment sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, le chantier de Cherat. Si vous êtes en direction de Bruxelles, ça ralentit. Il y a des files entre Blégny et Herstal. Sur le 40, donc vers Bruxelles pour les Naftor, ça ralentit entre Berthem et Woluwe-Saint-Etienne. Voilà donc les deux gros points noirs de ce matin. Pour les chantiers de la journée à prendre en compte, j'en vois un Jupy, rue de Benne, place des Martyrs et rue des Piétresses. C'est un placement de nouveaux poteaux d'éclairage public et c'est jusqu'au 1er juillet, ça commence aujourd'hui, je vous l'ai dit. Puis rue Léopold aussi, on répare un avaloir aujourd'hui, mais également demain et jeudi, donc il est possible qu'il y ait par moment des petits problèmes de circulation. Et puis, si vous cherchez des radars, il y en a un rue Noé-Renson et sur le quai de la dérivation dans le centre de Liège. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Bon, alors, vous partez en vacances le 1er? Ah non, non, non, pas le 1er juillet. Ah bon? Mais c'est normal, je vais faire les soldes à Belle-Île. Le vendredi 1er juillet, les soldes commencent à Belle-Île avec une nocturne jusque 22h. Et dimanche 3 juillet, ouverture exceptionnelle de 10 à 19h. Ce week-end, vous allez à un spectacle comique? Ou bien à la mer? Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Info et conditions sur letrain.be. Le train. Le 8-9. Ah, c'est très musical ce matin. Qui vient nous dire bonjour tout à l'heure? C'est Tal. Tal revient avec un nouveau single qui précède l'album et elle viendra nous présenter tout à l'heure non seulement le single mais aussi le clip d'Are We Awake. Il y a un truc de fou dans ce clip, c'est qu'elle est au milieu de la mer, sur un piano droit qui flotte, en train de danser sur le piano. C'est d'un graphisme. Elle est légèrement maillot dévêtue, mais bon, ça ne vous a pas touché. Non, j'avais regardé que le piano. Bien sûr. Moi, je n'ai fait qu'écouter. Ah ben voilà. Ah, ben vous devriez regarder le piano, il est sculpté. Ah, on sent que l'artisan y a été de courbe en courbe. Ah, Tal, et pour l'instant... chez le coiffeur, c'est-à-dire dans la pièce juste à côté, ouais. Et elle sera notre invitée tout à l'heure. Dans l'actu musicale, la femme qui a mis son décolleté dans derrière, le dos et pas devant, voilà. Julie Compagnon. Alors on aura Black M, Cocoon et Henri Pierre Farr, c'est un petit belge, un DJ belge, vous allez voir. Il vient le 21 juillet au Franco, c'est une découverte. Vous, le Brexit vous arrange. Ouais, c'est clair. On se croira au cours d'anglais. Découverte. Vous, le Brexit vous arrange. Ouais, c'est clair. On se croira au cours d'anglais. R. Ok, Sarah. R. Jérôme. Yeah. Are we awake? Non, parce que Jérôme, il a fait le. C'est du Minnesota. Non, c'est le Marie Martin Sheens que vous avez fait le. 8h20, voici le cactus de ce matin. Jérôme, vous revenez sur le Brexit, intervenant conjoint.

Presque tous, figurez-vous. Ah. Alors on le sait, 80% d'audience pour le dernier match de poule, 80% d'audience pour nous, pour la RTBF, donc c'est juste énorme. Et là, on a les chiffres de dimanche dernier. Par rapport à quoi ? 80% de part de marché. Ah, donc, okay. Oui, personne sur 10 regardait le match des Diables Rouges pour le dernier match de poule. Là, on est dimanche, 8e de finale, évidemment, Hongrie-Belgique, et là, on est à 73% de part de marché pour la RTBF, c'est 1,6 million, hein, j'arrondis les chiffres. C'est plus facile de comprendre en chiffres, donc il y a 1,6 million qui regardaient. Belges francophones devant la RTBF. Mais TF1, on était 150 000 à regarder TF1 plutôt que Rodrigo Benguens. 7% de part de marché pour TF1 pour le match de nos Diables Rouges. D'où ma question, est-ce que vous préférez Rodrigo ou TF1 pour les commentaires sportifs? Je vous mets un petit peu mal à l'aise. Mais madame n'a pas besoin d'un emploi, elle nous tend les pièges. Alors, je vous laisse réfléchir, coup d'œil côté flamand quand même. 2 330 000, plus ou moins, à regarder le match des Diables Rouges, si on fait le calcul en fait. Ouais. Il y a plus de 4 millions à avoir regardé le match la télévision. C'est énorme. Voilà. Après, il y a les événements, les écrans géants, etc. Autant vous dire qu'on est quasi tous derrière nos Diables Rouges. C'est en toute transparence. Simon Gérard, pourquoi regardez-vous TF1 à chaque match ? Mais pas du tout, moi j'adore les Rodrigades, les frites dans la goulage. Les Rodrigades. Vous voulez dire les Rodrigueries. Les Rodrigueries. Et les Alberteries. Philippe Albert. Non, sérieux, Julie, vous regardez sur quelle chaîne? Moi, je regarde évidemment sur la RTBF. Vous savez. Ouais. Non, je note toutes les phrases de Rodrigo chez moi. Ensuite, je sors. 150 000, c'est quand même beaucoup. Hein. 150 000 devant TF1 pour le match des Diables Rouges. Ouais, on parle bien des Belges. Le blanc-bleu mag de dimanche, dans laquelle, évidemment, j'officie avec mon collègue Kiki, a été regardé par 800 000 téléspectateurs. Ah, voilà. Quand même. C'est encore la moitié de ce qui est regardé. 800 000 téléspectateurs, il n'y a pas de puisque c'est ça qu'il veut entendre, c'est grâce à vous. Je vois. Voilà. Eh bien, voilà. Nous avons fêté la rampe de lancement du match. Quel nigo, celui-là. Oh là là là. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous dès 11h sur Vivacité. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël, cette grande fan du direct et du macaron mojito. Gaël, vous avez tout pour vous. Bonjour, c'est Jordan Lukaku. Comme Vivacité, je suis complètement foot. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Foot. C'est moi, Hip. Les quarts de finale, une formalité pour le Diable Rouge. Alors vite dans votre hypermarché Carrefour. Pour tout achat de minimum 50 euros, recevez un pass de la victoire. Et si les Diables Rouges se qualifient pour les demi-finales, vous gagnez une réduction de BAM 10% sur vos prochains achats. 10% Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin. Et t'as une nouvelle montre? Ah, t'as remarqué, je viens de l'acheter, à très bon prix. Ah, classe. C'est que moi aussi j'ai fait une bonne affaire ce week-end. Ah bon? Ouais, regarde. Un porte-clé? Non mais regarde la clé. Quoi, une Mercedes? Ouais. C'est celle-là? Oui. Tu fais un tour? Attends, je regarde ma montre. Oui, ça va, j'ai le temps. Jusque fin juin, chez Mercedes-Benz, profitez de conditions exceptionnelles sur les voitures de stock. Disponibles immédiatement avec 4 ans de garantie. Rendez-vous chez votre concessionnaire agréé Mercedes-Benz ou sur mercedesoutlet.be. Offre sous conditions. Vivacité vous invite à l'avant-première du film Tarzan en 3D. Une toute nouvelle aventure du roi de la jungle avec Margot Robbie, Alexander Skarsgård, Samuel L. Jackson et Christophe Waltz. Pour y assister le 5 juillet à Bruxelles ou Liège, 0905 56 472 57 par appel. Tous les ans, Pascal part en Écosse. That's right, I do. Pour un stage de cornemuse. Et Pascal oublie de jouer au loto. Oh, God damn it, c'est pas vrai. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Coa, coa, coa se la grenouille. L'été bientôt là, elle remontre sa bouille. Pédale Lucien au milieu des boas. Comme tu te sens bien, coa, coa. Visqueuse grenouille. Lucien glisse et son vélo crie ouille. Tu t'es fait battre, Lucien, par un batracien. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Et vous nous rappelez, Simon, l'actualité de ce mardi. Deux jours pour savoir comment gérer la séparation. Premier sommet européen après le référendum britannique. Un sommet qui démarre aujourd'hui. Première journée à 28, deuxième journée à 27. Six jours de congés par an, c'est ce que nous avions droit en 1936. Et oui, les congés payés ont 80 ans cette année. En football, les Islandais ont battu les Anglais en huitième de finale. Un exploit donc pour ce tout petit pays de 330 000 habitants. Côté anglais, la déception est très très grande. Le sélectionneur Roger Hodgson a même démissionné. Si, j'ai bien dit si, il y a des gouttes de pluie, c'est ce matin, parce que cet après-midi, on nous jure que ce sera sec. Mais, faut-il croire les médias ? 21 degrés de maxima aujourd'hui et une journée qui ressemble pratiquement à celle qu'on a connue hier. Tout à l'heure, c'est Tal qui vient nous enflammer. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Se blesser en faisant du sport, ça arrive à tout le monde, aux amateurs comme aux sportifs les plus aguerris. Le footballeur Vincent Kompany pourrait vous en parler très longuement. Mais dans tous les cas, obtenir un rendez-vous rapidement chez un kiné ou un médecin spécialisé, c'est souvent le parcours du combattant. Au centre hospitalier de Huy, on l'a bien compris, Justine Hermans, puisque là-bas, une clinique du sport va ouvrir ses portes à la rentrée. Oui, elle ouvrira ses portes en septembre à tous les sportifs, même ceux du dimanche. Alors l'idée de l'hôpital de Huy, c'est surtout de rassembler en un même endroit plusieurs disciplines compétentes pour soigner les sportifs. Il y aura 6 médecins spécialistes, par exemple un cardiologue du sport, un chirurgien du sport. Il y aura aussi 5 kinés, tous d'anciens sportifs de haut niveau et tous pourront recevoir des patients sans rendez-vous. C'est une des particularités de cette clinique du sport et les consultations se feront en horaire décalé en soirée jusqu'à 20h. Justine, d'où est venue l'idée de créer cette clinique spécifique pour les sportifs ? La demande est venue des patients eux-mêmes et des clubs de sport aussi, selon Jean-François Ronvaux, le directeur général du centre hospitalier de Huy. Dans ma vie privée, je suis responsable de clubs sportifs et donc je peux vraiment dire qu'il y a une demande sur le terrain d'avoir une prise en charge rapide. Le sportif veut revenir au sport le plus rapidement possible et donc cette réponse rapide et sans rendez-vous est un atout supplémentaire. Je pense qu'aujourd'hui, l'hôpital de Huy passait peut-être à côté de 80-85% des patients qui se blesse au sport. Alors cette clinique du sport aura aussi un aspect préventif. N'importe qui pourra par exemple réaliser un test à l'effort ou encore un test d'aptitude physique. L'investissement pour cette clinique du sport huitoise est de 300 000 euros. C'est un bon indicateur économique. Après 2 années dans le rouge, 2015 a été faste pour l'ASPI, la Société Provinciale d'Industrialisation. Cette agence de développement a renoué avec les bénéfices et Marc Hildesheim, les ventes de terrain aux investisseurs sont reparties à la hausse. Effectivement, et il manque même d'espace pour les entreprises intéressées car les terrains sont devenus denrées rares et la réhabilitation des friches ne permet pas toujours de répondre à cette demande. Heureusement, certains gros projets sont tout de même sur le point d'aboutir, c'est le cas notamment du Val-Benoît, Liège. L'ancien site universitaire entièrement rénové accueillera ses premières entreprises en septembre. Mais la SPI ne se contente plus désormais de vendre des terrains et des bâtiments. Non, elle diversifie également les services qu'elle offre par exemple aux villes et aux communes et elle vient en appui de nombreux projets locaux. Françoise Lejeune est directrice de la SPI. On crée des outils, par exemple, d'aide à la décision. Exemple, pour la piscine de Huy, nous avons fait toute une analyse du maintien ou non de la piscine existante avec différentes nouvelles techniques. Et donc, on donne un rapport au pouvoir qui doit décider avec différents choix et différentes possibilités. C'est à lui alors de prendre sa décision. Pour certaines autres communes, on a étudié la localisation, la meilleure localisation pour leur centre culturel, la taille du centre culturel. Et donc, on fait l'analyse alors sur base, par exemple, quels moyens de transport en commun, etc., etc. Un ensemble d'activités qui a donc permis à la Société Provinciale d'Industrialisation, la SPI, de dégager un bénéfice d'un peu plus d'un million d'euros l'an dernier. Marc Hildesheim avec une interview réalisée par Michel Grétry. Des plaines de jeux pour les personnes âgées, c'est une revendication du PTB à Liège, une demande en partie rencontrée puisque l'échevin socialiste des travaux, Roland Léonard, a confirmé le projet d'installation de 2 modules de fitness adapté rue de Londres, dans le quartier des Vennes. Et puis la vente des terrains de la rue Léopold après l'explosion au gaz de janvier 2010 se concrétise. Un promoteur privé en offre 130 000 euros. Il a un projet de reconstruction d'immeubles, mais la chef de de groupe libéral Christine Defraigne regrette le style choisi pour cette future maison. Il ne respecte pas le cachet haussmannien du reste de la rue Léopold, a dit Christine Defraigne hier soir au conseil communal. Le Festival international de Comblain-la-Tour, ce sera du 1er au 3 juillet. Depuis de nombreuses années, ce charmant petit village de la Vallée de l'Ourthe accueille le gratin des musiciens de jazz, comme Toots Thielemans, Philippe Catherine ou encore Akamoun. Pour cette édition, les organisateurs ont décidé de se la jouer jazz, blues et blues métissé, comme l'explique Nicole Huidard, l'organisatrice qui revient également sur l'origine de ce festival atypique. C'est parce qu'en fait, Joe Napoli, un GI de 17 ans à la bataille des Ardennes, a été soigné là-bas et qu'il avait vraiment tombé amoureux du village. Alors, comme il est devenu après manager de Chet Baker et d'autres grands musiciens de jazz et qu'il revenait à Comblain-la-Tour, il a rencontré Nicolas Dor et d'autres personnes de la RTBF comme Jean-Marie Peterken. Et puis, les cinq de Comblain, ils étaient cinq, se sont mis ensemble pour créer le tout premier festival de jazz en Europe. Et quel est le programme de cette édition 2016 ? On va voir le vendredi tout blues avec Mariana Tutsi et Keb Mo, la super vedette de blues américaine. Et puis, on aura le samedi du jazz avec Paolo Frezu, Trilok Gurtu, Marc Sosa. Et le dimanche, ce sera beaucoup plus ouvert avec des musiques inouïes parce que c'est des choses qui mélangent les arts et qui mélangent les projets, qui mélangent les cultures. Et ce sera une grande fiesta puisque ce sera le dernier jour où l'on fêtera le 50e anniversaire des premières éditions créées par John Napoli. Une interview réalisée par Cathy Massard. Les organisateurs misent également sur des prix particulièrement démocratiques afin que chaque amateur qu'il désire puisse venir seul ou en famille assister à ce festival qui est gratuit, rappelons-le, pour les enfants jusqu'à 14 ans. 9h, c'est vous qui le dites, et trois débats sur la table. D'abord, la Wallonie qui a un héros. Dimanche soir à Namur, Yacine, 24 ans, est le seul à avoir sauté dans la Sambre pour sauver une dame de 61 ans qui se noyait. Franchement, est-ce que vous l'auriez fait? Parce que personne ne l'a fait à part lui. Et si vous nous racontiez le résultat de vos enfants, ça a été leurs examens. En primaire, par exemple, 91% des élèves ont réussi le CEB. On verra avec vos enfants en primaire et en secondaire. Et puis le sondage qui contredit tout ce qu'on a dit sur le piétonnier. 70% des Bruxellois le veulent. 70%, est-ce que ça veut dire que vous avez changé d'avis? Marion Jomot, standard ouvert. Et il ne vous reste que trois occasions pour donner vos avis au standard de C'est vous qui le dites. Alors téléphonez dès maintenant au 070-233-466 ou par SMS au 3063-57 par message. Les trois sujets de ce matin sont déjà sur la page Facebook, alors n'hésitez pas à liker et commenter. Le point route, ça c'est des soucis évidemment sur le 40 Bruxelles d'Aix-la-Chapelle, c'est le chantier de Cherat. Pour l'instant, il y a des fils donc vers Bruxelles entre Blégny et Herstal. Sur le 40, bien plus loin en direction de Bruxelles, circulation ralentie entre Berthem et Woluwe-Saint-Étienne. Des chantiers aussi pour cette journée du côté de Jupy, rue de Benne, place des Martyrs et rue des Piétresses. C'est en fait un placement de nouveaux poteaux d'éclairage public. Donc chantier jusqu'à la fin de cette semaine et entre 9h et 16h, demi chaussée neutralisée à hauteur de la zone de travail. Arrêt et stationnement sont interdits donc du côté de Jupy aujourd'hui. Les résultats de votre enfant étudiant dans le supérieur ne sont pas à la hauteur? Votre solution, c'est Cogito. Rendez-vous sur cogitobelgium.com. Réussir, ça s'apprend. Un problème sur la route? Prévenez le 04 344 76 44. Envie de vibrer où, quand et comme je veux? RTBF Ovio, le sport où, quand et comme je veux, c'est sur rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. De 8 à 9, le 8-9. Tout à l'heure, l'actualité musicale avec Madame Julie Compagnon. Vous vous souvenez de Mireille Darc et sa robe décolletée absolument, noire? Absolument, et ouais. J'y pensais ce matin justement en m'habillant. C'est pour ça que j'ai mis mon décolleté ouais. L'envers. Vous vous souvenez de la pointe, Sarah, qui effleure ouais. Son fessier? C'était plus bas que moi, hein, ouais, ouais, dit. Ouais. Oui, alors n'est pas Mireille Darc qui veut. Ici, non, c'est Jeanine vrai. Darc, donc qui dans l'actualité musicale tout à il y aura Black M et Cocoon. C'est très sympa, vous allez voir. On en parlera tout à l'heure. Eh ben, nous serons là. 8h38, vous vous souvenez de Tal avec le sens de la vie? J'ai trouvé le sens de la raison qui m'entraîne à chaque pas sur le devant de la scène. Eh ben ça c'est un vieux bazar. Tal vient nous présenter ça. Ah bah merci. Nous sommes gentils. Nous sommes gentils. Ah oui, il y a un truc comme ça. Vous avez vu cette émission où les gens descendent du bus? Oui, j'adore. Et next, et ils doivent choisir. Et ils reçoivent de l'argent. Voilà. Ils sont des minutes. Eh ben next, plus le vieux bazar. Tal vient nous présenter ce matin son nouveau single. Elle est là ce matin. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Donc ça précède un album. On est bien d'accord. Mm-hmm. Pour l'instant, on a que ça. Are we awake? Alors la chanson, je veux bien, on en parle dans une seconde, mais le clip est un truc de fou. Donc ça démarre avec un piano droit qui est dans la mer, et puis on vous retrouve en cours de clip dans la mer en train de danser sur ces morceaux de bois qui apparemment ont l'air de s'être échappés d'un bateau qui a sombré. Vous avez tourné ça où ? Alors oui, la mer, le désert aussi et la forêt. J'ai voulu mettre en avant les différents paysages de nature parce que le concept c'était la nature qui reprend ses droits par rapport au message de la chanson. Donc Et vous avez tourné ça où? Parce que c'est étonnant de faire une chorégraphie dans la mer. Oui, c'était très difficile d'ailleurs. C'est le plus long tournage que j'ai fait jusqu'à maintenant. Ça a été fait dans le sud de la France, le désert en Namibie, en Afrique, avec 30 voyages. C'était un périple, mais c'était vraiment une super expérience. Et la Suède pour la forêt du début du clip. Ah, et vous êtes vraiment nature dans la vie? Vous allez parfois avec des bottes en caoutchouc dans les bois ou vous faites jamais ça? J'adore la nature. Moi, j'ai besoin de nature pour me ressourcer. C'est le quart d'heure inintéressant. Si vous étiez une fleur, tour de table. Sarah, si vous étiez une fleur. Oh, je serais dans les Ardennes. On est bien dans les Ardennes chez nous. Ça répond pas à ma question. Si vous étiez une fleur, je serais dans les Ardennes. Mais oui. Je vivrais dans les Ardennes. Ok, si vous étiez une fleur, elle achèterait une Renault Clio. Bon, ok, ouais, Julie. Moi, du jasmin. Oh, Jérôme. Tournesol tourné vers le soleil. Oh, Tal, si vous étiez une fleur. Je dirais une rose. Ah ouais, une rouge ou une orange? Non, une rose rose. Une rose rose. Et vous piquez un peu alors? Oui, c'est pour piquer justement. J'avais dit que c'était le cas inintéressant. Alors on peut revenir au business. L'ennui, c'est qu'il n'y a que 6 minutes d'interview. Donc là, on est un peu léger. La moitié est déjà faite et je vais parler lentement. Avant de revenir avec ce single, vous avez fait un long break parce que la tournée d'avant a été très très longue. C'est vrai ça que vous avez fait un moment un malaise qui vous a obligé à annuler un des shows ou c'est à la Claude François un faux malaise pour faire le buzz? Non, je ne cherche pas à faire le buzz. Malheureusement, Claude François, il faisait ça, il faisait des faux malaises. C'est vrai? Ouais. Ah, je ne savais pas. Et donc vous, c'était d'épuisement? C'était de l'épuisement, de la fatigue morale et physique. Et effectivement, on a annulé un concert, on l'a reporté. C'était très difficile parce que je, pendant la tournée, je continuais à faire la promo de mon album. Donc je ne m'arrêtais pas, j'avais aucun jour off. Donc forcément, le corps, au bout d'un moment, il ne suit plus. Alors après, vous avez fait combien de dates en fait? 138. Ouais, en deux ans. Hein, c'est pas un mal. An et demi. Un an et demi. Divisé un an et demi par 138 dates. Alors vous prenez un break, vous dites j'ai beaucoup voyagé pour un peu me ressourcer. Vous avez été où? J'ai été beaucoup à Los Angeles parce que j'ai travaillé aussi là-bas. Ouais. J'ai été en Afrique, j'ai été en Espagne. Ah, vous avez fait votre petit tour du monde alors? Pas vraiment, mais j'ai essayé de faire le maximum d'endroits différents pour me. Grand-duché de Luxembourg, vous avez fait? Non. Okay. Alors le week-end dernier, vous étiez à Versailles. C'est dire comme vous avez la danse chevillée au corps. Il y avait un grand show de Kamel Wally qui organise le grand bal à Versailles. Donc en gros, c'est une reconstitution. Tout le monde est déguisé, mais il y a aussi un vrai spectacle sur scène. Mm-hmm. Et vous étiez danseuse dans le cadre du château de Versailles. Chanteuse. Chanteuse, ouais. Mais j'étais entourée de danseurs avec une super mise en scène par Kamel Wally justement, avec des beaux costumes. Et vous avez mis quoi magnifique comme costume? Parce que c'était un truc forcément dans l'esprit Château de Versailles. Vous avez mis là, pour le coup, non, c'est des tableaux différents qui n'ont rien à voir avec justement ce côté très Moyen-Âge et tout ça. Non, c'était plutôt des costumes très différents les uns avec les autres. Et voilà, tout dépend des tableaux avec les danseurs. Mais est-ce que vous étiez Marie-Antoinette à un moment ou pas? Non, même pas. J'ai pas eu la chance d'avoir un vrai déguisement de Marie-Antoinette, c'est celle qui finit avec une tête en moins. Il y a, il y a son petit jardin derrière, là, secret où se passaient plein de choses. Voilà. Ah, elle sait des trucs. Elle sait des trucs. Il se passe toujours des choses très, très bizarres. J'en reviens au single. Quoi ça? Le single qui s'appelle donc Are We Awake précède l'album qui arrivera en automne. Je signale que vous serez au Palais des Beaux-Arts le 20 avril à Charleroi, bien sûr, et le 22 avril au Forum de Liège. Are We Awake, cette fois au début, comme ça on voit comment ça commence. Le début, c'est ça. L'impression d'une vie dans le noir, l'ennui éteint tous nos espoirs, inconscient, une vie illusoire et un incapable de voir. En gros, vous donnez un peu des leçons dans la chanson quand vous dites « Sommes-nous éveillés, il est temps de se réveiller ?» Enfin, genre, tout part, tout capote et vous vous rendez pas compte. Vous nous donnez une petite leçon ? Non, en fait, c'est plus mon état d'esprit aujourd'hui et un questionnement sur soi-même. En règle générale, je me mets dedans aussi, hein, ouais, avec tout le monde. On pense qu'on a tous, on a tous l'impression en fait, qu'on est impuissant en face de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est vrai que c'est un message plus un peu comme Alan Dumerold, Michael Jackson. Je me suis beaucoup inspirée de lui, qui est mon idole, par rapport au fait que devant le miroir, c'est à nous de se changer avant de changer, ouais, quelque chose. Et c'est vraiment se changer soi-même d'abord. Vous êtes capable de remise en question ou c'est dur? Est-ce que vous reconnaissez de temps en temps avoir tort? Est-ce que vous dites que j'ai mal fait? Oui, je me remets tous les jours en question. Je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, même trop des fois. Eh bien, voyons ça. Qu'avez-vous mal fait sur la tournée précédente où vous vous êtes dit ça, il faut que je... Il est vraiment... Bon, Tal, il faut un peu que tu te bouges, ma chérie. Quand est-ce que vous vous êtes dit ça, il y a la tournée. En fait, j'ai mal accroché ma ceinture de combinaison que j'avais sur scène et ouais, elle s'est détachée en pleine chanson. Donc vous êtes genre foutre, un peu distraite. Donc je suis un peu tête en l'air en fait. Ah, voilà. Tête en l'air. Donc là elle s'est dit bouge-toi un peu ma chérie. C'est okay, ça. En relation amicale, comment vous remettez en question? Qu'est-ce que vous faites pas bien en relation amicale? Vous dites oh ma chérie bouge-toi un peu quand même là. En relation amicale, je dirais. La réponse, je mets mal les ceintures. L'oubli des anniversaires, ça c'est. Ça c'est dur. Autant avec Facebook, voilà, c'est plus ouais, facile. Ouais, mais c'est vrai que je suis pas très Facebook en général, je suis plus sur Twitter et c'est vrai que sur Twitter on voit pas souvent. Non, non. on ne signale pas en fait l'anniversaire de nos amis. Mais... Bon, on va voir alors si vous êtes menteuse. L'album sortira quand? Donnez-nous une date. Alors j'ai pas de date exacte, mais ouais, normalement fin octobre, début novembre, donc voilà, la rentrée. Ok, que les Anglais, vous qui de temps en temps chantez en anglais et voyagez, que les Anglais s'en aillent de l'Europe, c'est un truc qui vous... ou c'est un truc qui vous affole? J'ai toujours aimé chanter en anglais depuis petite, ouais, donc c'est quelque chose que j'essaie d'intégrer aussi sur mes chansons en française. Vous avez écrit sur le deuxième album des textes à vous, ou c'est écrit que par les autres? Le deuxième? Ouais, celui qui va arriver, vous avez écrit, ouais. Je co-écris, co-compose et co-réalise l'album, donc... Okay. Je suis beaucoup plus impliquée qu'avant. Vos boucles, elles sont naturelles ou elles sont travaillées? Elles sont travaillées, mais j'ai des boucles très très frisées à la base. Ah ouais, ben elles sont... Ah. Attends, parce qu'on a... C'était comme moi. Non, on a madame boucle en Belgique, c'est Sarah. On va pas comparer, t'allais passer chez le coiffeur. Moi, si vous voulez, je pars à 4h15 du matin. Mais même naturel comme ça, c'est joli. Moi, ils sont pas comme ça au naturel. C'est gentil, hein. J'ai besoin de mon coiffeur, moi. J'étais en train de vous regarder, vous avez exactement le même genre de boucle. C'est sympa pour le coiffeur. Non, mais justement, c'est ce qui est joli, c'est que c'est effet naturel. Moi, je demande souvent à mon coiffeur de me faire des boucles naturelles, quoi, que ça fasse pas des boucles hyper hyper brushingées, je viens de voilà, chez c'est sympa Tal, voilà. C'est avec plaisir. Et vous êtes magnifique ce matin et le clip, je vous le recommande visuellement, c'est un petit bijou, la chanson bien sûr, mais allez voir les images de Namibie qui sont magnifiques et celles en pleine mer aussi. Tal, le nouveau single s'appelle Are We Awake, merci d'être merci passé beaucoup ce matin. Avec plaisir, merci à vous. Bonne journée à vous et vous reviendrez alors pour le reste de l'album. Dans un instant, qui qu'a dit? Vous avez un barbecue, un anniversaire, un mariage peut-être? Eh bien, annulez! Parce que c'est la semaine Quick Deals chez Citroën. Avec des primes de reprise, des options jusqu'à moitié prix et en plus du 24 au 30 juin, une extension de garantie à 4 ans sur nos véhicules de stock. Profitez vite des Quick Deals chez Citroën. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/ovio et rtbf.be/sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Le 8-9. Attends, parce qu'on débriefe, elle est pas mal. Elle est canon. Ah oui. Non, ouais. T'as vu ses cheveux, Sarah? Non, t'as vu? Tout est canon. Ouais, t'as vu, Jérôme? Moi, j'ai pas vu ses cheveux, moi. Elle a de belles dents. Elle a des dents super blanches. Ouais, c'est impressionnant. Soit 8h48. Voici le Kikadi de ce matin. Nous sommes à Liège. Vanessa, bonjour. Bonjour. C'est le quart d'heure des femmes bouclées. Vous avez de la boucle, vous, ou pas? Pas du tout. Non. Eh bien, c'est dommage. Ah, à demain. Non, attendez, c'est comme moi. Je vous devine brune, avec des cheveux courts et des petits picots qui montent vers le ciel. Je suis dans le bon? Non. Non, ah. Non. Ah, okay. vous êtes le Stéphane Powell. Sarah, comment vous imaginez Vanessa? Vanessa, alors des cheveux plutôt raides, un beau brushing blond et 1m70, non? Un brushing blond et 1m70, non? Plus et les cheveux pas du tout. Ok, bah on n'y est pas du tout. Alors on va faire un Kikadi, c'est qu'on n'a pas le feeling. Voici le Kikadi de ce matin, cadeau à la clé, et moi imposé à Jean-Luc pour le live de vendredi, le dernier 8-9 de la saison. Kikadi, l'Islande, c'est un peu comme si le club de Liège se retrouvait en quart de finale de l'Euro. L'Islande, c'est un peu comme si le club de Liège se retrouvait en quart de finale de l'Euro. Qui a dit ça? Jean-Michel Larquet, consultant football. Kiki l'Innocent, consultant football. Ou Théo Matty, consultant football. Sarah, à qui pensez-vous? Kiki, parce qu'il vient de Liège, non? Je le vois bien dire. Julie, à qui pensez-vous? Oh, je pense aussi à Kiki, ouais, parce que c'est peut-être le seul à connaître une équipe de Liège. Ça fera plaisir à tous les Liégeois. Attention à votre voiture. Bon, moi, je suis désolé, mais ce n'est pas Kiki qui a dit ça, parce que je le sais très bien. Je sais de ce qu'il dit. Et donc, comment le savez-vous? Je le sais, et faites-moi confiance. Donc, aidez Vanessa, alors. Ce n'est pas lui, mais alors, qui de Théo Matty ou Jean-Michel Larquet? Qui a dit ça? Vanessa, j'ai bien peur que vous ne soyez... Qui a dit ça? Vanessa, j'ai bien peur que vous ne soyez... Parce que c'est Jean-Michel Larquet. Qui dites-vous, Vanessa? Je suis effectivement très seule, apparemment. Ah oui. Jean-Michel Larquet? C'est une bonne réponse. Ah ouais. Il est consultant, notamment pour les journaux Sud Presse le soir, et il dit ça, donc effectivement, c'est un peu comme si le club de Liège se retrouvait en quart de finale de l'Euro, c'est-à-dire le truc complètement improbable. Bravo Vanessa, vous remportez les lunettes Vivacité sous les applaudissements. Je signale au mauvaise langue que c'est la paire de lunettes solaires. Mais il n'y aura pas de verre, ce sera pour un prochain Kikadi. Vous serez magnifique cet été, Vanessa. Quel est le mot que vous imposez à Jean-Luc? CEB. Pourquoi CEB? Parce que c'est dans l'air du temps. Ok, c'est pas parce que vous avez des enfants à la maison qu'ils l'ont réussi. Non, pas encore, ce sera pour l'année prochaine. Ok, bah alors déjà avec un peu d'avance, bon courage les gars à la maison. Vanessa, merci pour le CEB, on vous embrasse, passez une excellente journée. Merci, bonne journée. Bisous. Bonne journée. Ciao. Et vous remarquerez avec élégance que je n'ai pas demandé à quoi elle ressemblait du coup. Non, c'est vrai. Et c'était certainement une rose flamboyante. Zid, Vanessa, elle est toujours là? On ne saura jamais si elle ressemble. C'est la magie de la radio aussi. Ouais, mais peut-être qu'on avait affaire à Mylène Farmer sans le savoir. Mylène Farmer jeune, j'entends. Dans un instant, l'actualité musicale. En juillet, le magazine Gaël met à l'honneur Ophélie Fontana, journaliste notamment du 15 minutes sur la 2. Comme elle, pour de vraies vacances, balancez votre smartphone. Découvrez aussi dans Gaël cette grande fan du direct et du macaron mojito. Vous avez tout pour vous. Bonjour, c'est Divo Corrigui. Comme Vivacité, je suis complètement fou. Sur Vivacité, vivez un euro. Bleu, blanc, diable, avec la rédaction des sports et toute l'équipe de Complètement Fou. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Tous à Tournai ce 2 juillet. Rendez-vous dès 9h30, Esplanade de l'Europe pour le brunch ou à 13h pour la balade de 30 km à travers les plaines de Wallonie-Picarde avant les showcases d'Epolo et de Grand Georges. Pour gagner du temps et des cadeaux, inscrivez-vous rtbf.be/lebeauvélo. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. L'été, Luc est sauveteur à la mer. Ouais, à Knock le Zout. Il n'a pas une minute à lui. Ah, et les deux filles là-bas. Très joli maillot, hein. Vous êtes charmante. Et Luc oublie de jouer au loto. Cet été, ne manquez aucune chance de devenir millionnaire. Jouez pour 8 tirages dans un point de vente participant et recevez 2 tirages supplémentaires gratuits. Action valable jusqu'au 30 juillet. Le 8-9. Je ferais bien une question d'intérêt général. Mais écoutez, d'après une étude, l'air d'Anvers est le plus pollué d'Europe. Comment rebaptiseriez-vous la ville? Sur la page Facebook du 8-9, Gigi Massimo propose Stinkgrad. Oui. Gaëtan Vanhove, Smog on the Water. On y est. La cuite du jour, quel panneau placeriez-vous devant le tunnel sous la Manche maintenant que le Brexit est acté? Eh bien, vous pouvez répondre à ça sur la page Facebook du 8-9 qui est à votre disposition. On corrige ça ensemble demain. Et sur vivacité.be, c'est la revue de presse, toute l'équipe qui commente les journaux de ce matin, notamment la vitesse de Carrasco sur le terrain. C'est pitoyable. Saviez-vous qu'il est à plus de 30 km/h? Eh bien, celles qui courent dans l'équipe ont trouvé que c'était un peu chiche quand même. Oh, c'est pas vrai. Si, vous l'avez non, dit. C'est on a dit que même à vélo, on n'atteignait pas ses vitesses. Mais on dit que ses qualités footballistiques étaient nulles et que sa copine était moche. C'est pas vrai. Ouais. Vous irez voir la bande, vous irez voir la bande sur vivacité.be. Sur la cassette alors, sur la VHS. Vivacité.be. 8h54, Julie, après oui. Tal, en live ce matin, dans un impair type Colombo, puisqu'il était habillé en, comment on appelle ça, parka? Non, un impair type Colombo. Impair type Colombo. Passons maintenant à l'actualité musicale avec Black M. Et en voilà un autre qui aime la nature. Donc on commence avec Black M, hein, vous connaissez, du groupe Section d'Assaut, mais aussi à l'origine de ce tube, écoutez. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui, de l'aventure dans le movie. Une vie de route. Enfin bon. Donc il avait fait l'actu le mois dernier, hein, suite à la polémique sur un concert qu'il aurait dû faire en marge des commémorations de la bataille de Verdun, mais qui a été annulé parce que ses textes ont été analysés au microscope et jugés possiblement insultants à l'égard des anciens combattants. En tout cas, il a dormi là-dessus et il a jugé possiblement insultants à l'égard des anciens combattants. En tout cas, il a dormi là-dessus et il a annoncé un titre. À mort les poilus. À mort les poilus, ouais. Qui s'intitulera donc Éternel insatisfait. Et donc, le premier extrait de cet album où Black M ouvre son cœur, il nous montre ses fêlures. Je sais que vous êtes sensible à ça, Benjamin. Et vraiment, j'aime quand Black M montre ses fêlures. C'est ça. Mais là, vraiment, pour le coup, c'est du rapounet, gentil, gentil. Alors, ça s'appelle La Nuit Porte Conseil. Écoutez. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. Et j'en ai fait le tour de ma vie. Et j'ai cogité toute la nuit. Voilà. Ah bah donc, il est comme Tal, capable de remise en question. Il est capable de remise en question. Et alors, son clip, eh bien, il l'a fait aussi comme Tal, en pleine nature. Il fait des selfies avec des loups, il danse devant un zèbre. Et il parle à une biche. Non, je t'ai plus. Non, mais c'est vrai. Et donc, ce clip, c'est très sympa. Il faut aller le voir. C'est un vrai petit moment zoologique. Ça fait plaisir. C'est toujours destiné aux ados, j'ai l'impression. Hein, aux jeunes, aux ados. C'est vraiment pour un public jeune, oui. Non, 6-7 ans. Ou pas. Hein, moi qui suis un homme, j'aime encore bien de voir quelqu'un parler à qui. À une chèvre. J'ai cogité. Il parle à une biche et il danse. Il y a des légionnaires qui est allemand. Mais à un moment donné aussi, il est en pleine nature. Je signale que la zoologie n'est pas punie par la loi, contrairement à ce que vous pensez. Enfin bon. Donc ça, c'est pour Black M. Voilà, ça fait plaisir de le retrouver. Et donc maintenant, c'est au tour de... Ok, next. Ok, merci. Okay. Non, non. Merci, bonsoir. Mais je voulais vous parler de Cocoon parce que ça, pour moi, c'est une vraie découverte. Vraie découverte parce qu'ils en sont déjà à leur troisième album, mais je ne les connaissais pas. Et ils ont sorti donc ce troisième album qui s'intitulera Welcome Home. Et ici, il nous offre un single doux, frais et joyeusement délicat. Moi, je trouve qu'il est parfait pour l'écouter avec un marshmallow sur une flamme et quelques potes tout sympas. Écoutez I Can't Wait de Cocoon. Qu'est-ce qu'elle dit, la petite Sarah ? C'est de la happy music. C'est de la happy sympa, ça met de bonne humeur. Ouais. Il faut écouter ça avec quoi, du marshmallow, vous avez dit ? Bah, imaginez-vous dans le jardin, le soir, avec un petit duvet, un petit marshmallow sur la flamme, et quelques potes, un petit verre de grenadine, pour vous pas dire pas, du... Oui, donc c'est pas un synonyme de marijuana. Non, pas du tout. Dites, Benjamin, non, vous connaissez quand même jamais je les connais, vie. Les jeunes, moi, qui font des messages sublimes. Mais non, on met cette chanson, on regarde les étoiles et qui sait, on dévoile une épaule, on se fait un petit bisou, voilà. Hein, carrément. Ça termine en partout sur les yeux. C'est très joyeux, franchement, moi, je ne connaissais pas et en l'écoutant, ça m'a donné le sourire. Donc voilà, Cocoon, I Can't Wait, j'aime bien. Pouvons-nous terminer par celui que vous nous avez annoncé comme étant Henry PFR? Henry PFR, alors c'est un petit DJ producteur bruxellois, un petit peu comme Lost Frequencies. Et donc, c'est un talent, à mon avis, à suivre cette année. Il a travaillé avec des pointures comme Robin Schulz et il sort ce premier single. Et ça va être une bonne surprise pour l'été. Ça s'appelle Home. Écoutez. When lightning strikes, you guide me home. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ça n'a pas neuf, hein. On a déjà entendu ça. Ah, ouais, mal, hein. C'est très bien. Ah oui, tout à fait. Ben voilà. Et donc on attend avec impatience l'album qui sortira. Et alors, si vous voulez une info qu'elle est importante, le 21 juillet, il sera donc au Francofolie de Spa. Si vous voulez le découvrir et faire la fête en musique, c'est Henry PFR. Mais si les Bruxellois, on doit dire PFR. Bah oui. PFR. Ou PFR.